Une vive douleur me fit ouvrir les yeux. C'était Pierre qui me tirait par les cheveux, le long des tuiles. Je restais couché, stupide, regardant. Pierre venait de replonger. Et dans l'étourdissement où je me trouvais, je fus surpris d'apercevoir tout d'un coup Gaspard, à la place où mon frère avait disparu. Le jeune homme portait Véronique dans ses bras. Quand il l'eut déposée près de moi, il se jeta de nouveau. Il retira Marie, la femme d'une blancheur de cire, si raide et si mobile que je la crus morte. Puis, il se jeta encore. Mais, cette fois, il chercha inutilement. Pierre l'avait rejoint. Tous deux se parlaient, se donnaient des indications que je n'entendais pas. Comme il remontait sur le toit épuisé. « Et tante Agathe » criai-je. « Et Jacques ? Et Rose ?» Ils secouèrent la tête. De grosses larmes roulaient dans leurs yeux. Aux quelques mots qu'ils me dirent, je compris que Jacques avait eu la tête fracassée par le heurt d'une poutre. Rose s'était cramponnée au cadavre de son mari, qu'il avait emporté. Tante Agathe n'avait pas reparu. Nous pensâmes que son corps, poussé par le courant, était entré dans la maison, au-dessus de nous, par une fenêtre ouverte. Et, me soulevant, je regardais vers la toiture où Aimé se cramponnait quelques minutes auparavant. Mais l'eau montait toujours. Aimé ne hurlait plus. J'aperçus seulement ses deux bras ridis qu'elle levait pour tenir ses enfants hors de l'eau. Puis tout s'abîma. La nappe se referma sous la lueur dormante de la lune.